À la base c'était à moi, mais t'es parti avec un autre. On était comme des siens à moi. On se reverra à l'occasion. Aujourd'hui j'suis avec une autre, j'ai comme un blocage. Réponds à mes messages, juste un vocal. On était comme des siens à moi. Il faut qu'on se revoie. Dis-moi quand est-ce t'es libre et qu'on s'en pense à nous deux. J'peux mettre sous coupe à libre. Notre amour se consume comme une bouchée. Aujourd'hui c'est un autre homme qui te touche. S'il nous va ensemble, qu'il essaie de boucher. Qui prie le Seigneur pour rester debout. Oui, j'ai bien conscience, je suis pas l'homme parfait. Si tu veux plus de moi, tiens-moi juste au parfum. Et si je lui fais du mal, ça sera de ta faute. On s'aime pas par option, mais on s'aime par défaut. Oui, j'ai bien conscience, je suis pas l'homme parfait. Si tu veux plus de moi, tiens-moi juste au parfum. Et si je lui fais du mal, ça sera de ta faute. Viens, on s'aime par défaut. Tu dis que je t'empêche d'avancer. Tu m'aimes de tout ton cœur, mais je suis pas fait pour toi. On repart à zéro pour voir comment c'est. Tu m'inventes des excuses, mais tu m'as pris pour qui? Je suis comme un couteau bien aiguisé. J'ai toujours du bon côté de la visée. Je pourrais lui faire une dinguerie sans abuser. Tu sais que dans ma tête, on est plusieurs. Il faut qu'on se revoie. Dis-moi quand est-ce t'es libre. Et qu'on s'en pense à nous deux. Je peux mettre sous coupe à libre. Notre amour se consume comme une bouchée. Aujourd'hui c'est un autre homme qui te touche. S'il nous va ensemble, qu'il essaie de boucher. Qui prie le Seigneur pour rester debout. Oui, j'ai bien conscience, je suis pas l'homme parfait. Si tu veux plus de moi, tiens-moi juste au parfum. Et si je lui fais du mal, ça sera de ta faute. On s'aime pas par option, mais on s'aime par défaut. Oui, j'ai bien conscience, je suis pas l'homme parfait. Si tu veux plus de moi, tiens-moi juste au parfum. Et si je lui fais du mal, ça sera de ta faute. Viens, on s'aime par défaut. Et non pas par option. Viens, on s'aime par défaut.